إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan على الجادة du Cheikh عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. Donc l'avant-dernier cours c'était le chapitre numéro 3 qui avait pour titre Jawaz al-intisab ila al-salaf wa al-talaqqub bis-salafiyya, l'autorisation de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de se nommer salafi. Puis le cours dernier, c'était le chapitre numéro 5 qui avait pour titre manhaj al-salaf fil aqida, le cheminement des pieux prédécesseurs dans le dogme. Et donc aujourd'hui nous allons voir le chapitre numéro 4 qu'on a donc omis de le citer la dernière fois. Donc le cheikh hafizahullah nous dit ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. Citation de certains arguments qui prouvent l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs et d'être sur leur voie. قال الله تعالى, Allah élevé soit-il nous dit, واتبيع سبيل من أناب إلي. Dans le sens du verset, Allah nous dit, et suis le chemin de celui ou de ceux qui se sont repentis ou qui sont retournés vers moi. فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. Donc Allah تبارك وتعالى nous a ordonné de suivre la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'être sur leurs traces et de rester sur leur voie. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية. الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله du 8e siècle de l'Égypte, le grand élève d'Ibn Taymiyyah رحمه الله, nous dit après avoir cité ce verset, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, il dit رحمه الله وَكُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ وَأَقْوَالُهُ وَاعْتِقَادَاتُهُ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ. Et toute personne parmi les compagnons رضي الله تعالى عنهم, tout compagnon est une personne qui est retournée à Allah, est une personne qui s'est repentie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est un devoir, une obligation de suivre son chemin, puisqu'Allah il nous dit, et suis le chemin de celui qui est retourné à moi. Et les opinions et les convictions, les croyances de ses compagnons font partie en priorité de son chemin. وحذرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il et élevé soit-il, nous a mis en garde contre le fait d'aller à l'encontre de leur voie ou de leur chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé du feu de l'enfer pour toute personne qui va à l'encontre d'eux. Faqala ta'ala, et il nous dit le Très-Haut, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dans le sens du verset, et quiconque fait scission d'avec le messager, il ne reste pas avec le prophète, il prend un autre chemin que celui du prophète alayhi salatu wassalam, il contredit le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, après que la guidée lui soit montrée et ne suit pas la voie des croyants, alors nous le ferons détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne. Et quelle mauvaise demeure! Donc voilà ce qui arrive. Voilà la menace pour celui qui n'est pas sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, pour celui qui ne suit pas la voie, le chemin des croyants. Qui sont les croyants au moment de la révélation? Ce sont les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an ridah amman ittaba'ahum bi ihsan wa adda lahum al-thawab al-azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a agréé ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ceux qui les ont suivis convenablement. Allah nous informe que celui ou ceux qui suivent de la meilleure manière, qui suivent convenablement les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, Allah nous informe qu'il les a agréés. Allah nous informe qu'il en est satisfait. Et Allah a promis pour eux de grandes récompenses. Faqala ta'ala, et le Très-Haut nous dit, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens du verset, et les prédécesseurs parmi les premiers, les muhajirin, les meilleurs des compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes, les premiers musulmans qui sont les musulmans de la Mecque et qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Wal Ansar, les auxiliaires, ceux qui ont secouru le prophète et le muhajirin et qui leur ont donné refuge, ce sont la deuxième partie des compagnons. Et à eux deux, ils forment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mais les muhajirin ont un degré au-dessus des ansar, car ils les ont précédés dans la foi et dans les bonnes actions. Et ils ont assemblé entre deux actes honorables qui sont l'émigration et le secours donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar, ils ont donné le secours au prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour les Muhajirin, ils sont cités avant Al-Ansar. Donc, les Muhajirin, qui sont les premiers, suivis de l'Ansar, et à eux deux, ils forment les compagnons, qui sont les meilleurs des personnes après les prophètes alayhi salatu wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des compagnons. Et il les cite. Toute personne venue après cette génération, il n'est pas dedans. Donc, il y a le Muhajirin et il y a l'Ansar. Ceux-là, ils sont cités. Ils ont cet honneur. Puis, pour tous ceux qui veulent entrer dans le verset et gagner la satisfaction et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala pour tout musulman qui vient après les compagnons jusqu'à la fin du monde, il se doit de venir avec une caractéristique bien précise qui est le suivi convenable des compagnons, d'être sur le même chemin que les compagnons, avoir le même credo, le même dogme que les compagnons, appliquer l'islam authentique qui est l'islam appliqué par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc Allah nous dit dans le sens du verset, et les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirin et l'ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ceux qui les ont suivis convenablement, ceux-là Allah les agrée et eux l'agréent, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement, et voilà le grand gain. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghayra sabilihim bi'adhab jahannam faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati war ridwan. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé tous ceux qui vont à l'encontre, qui contredisent le chemin des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il les a menacés du châtiment de la géhenne, du châtiment du feu de l'enfer. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour ceux qui seront dans le même chemin qu'eux, qui seront sur leurs traces, qui appliquent l'islam comme eux l'ont appliqué, Allah a promis pour ces gens, pour ces personnes, le paradis et l'agrément. Wa amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatah wa sunnat al-khulafa min ba'dihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté de suivre sa tradition, de suivre sa sunna et aussi la sunna des califes bien guidés qui viennent après lui. فقال صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود. Ça c'est une partie, la fin du hadith de l'Irbad ibn Sariyah radiyallahu an, qui dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم أو وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc dans ce hadith du compagnon Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anh, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une grande exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Alors nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est comme une exhortation d'adieu, c'est comme si tu allais nous quitter. Alors conseille-nous, recommande-nous avant de nous quitter. Et là le prophète sallam leur dit, je vous recommande la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que là où vous êtes, quel que soit le temps, le lieu, vous n'échapperez jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait tout. Que vous soyez seul ou en public, dans la nuit ou le jour, quel que soit l'endroit et le temps, Allah il sait tout. Donc crains Allah là où que tu sois. Donc il leur recommande la plus grande des recommandations, celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a faite au premier et au dernier des gens. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nous avons recommandé ceux qui vous ont précédés parmi les gens du livre, ainsi que vous-même, de craindre Allah, de faire piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci consiste à être droit dans la religion, en appliquant les obligations et en s'abstenant, en s'éloignant des interdits. Ça, c'est la première étape. Puis vient l'autre étape dans laquelle on se doit de se concurrencer, d'accomplir les actes louables, les actes surrogatoires conseillés, et de s'éloigner et de s'abstenir des actes qui sont déconseillés. Plus tu agis ainsi, et plus tu t'approches d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus tu es un allié, un proche, un intime d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah le dit dans le hadith al-Qudsi, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ila akhir al hadith. Dans ce hadith, à thème divin Qudsi, Allah il dit: celui qui prend comme ennemi un de mes intimes, un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par un acte plus aimé, si ce n'est ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Jusqu'à la fin du hadith. Tayyib. Donc, la recommandation de la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, il leur ordonne d'écouter à l'autorité musulmane. Pour le bien général, pour le bien de tout le monde, ton problème personnel, tu le laisses de côté. Ton droit, tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas de ton problème personnel un cas général. Que ton problème personnel, si vraiment il existe, que ce ne soit pas la cause de troubles dans la communauté, d'effusion de sang, de soulèvement, de mots que tu ne pourras plus arrêter. C'est une porte, tu vas l'ouvrir, tu ne pourras plus la refermer après. Donc, contente-toi de t'appliquer ce qui t'est demandé. Ton devoir, tu t'en acquittes. Ton droit, il ne t'a pas été donné, il y a ton Seigneur qui t'écoute. Demande-lui ton droit, subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallam dit, est d'écouter et d'obéir. Même s'il advient que celui qu'on a mis sur vous, par exemple le grand calife, il nomme tel gouvernant dans telle région. Et ce gouvernant, c'est un esclave abyssin qui a les cheveux crépus. Et ça, il faut dire l'époque aux Arabes qui sortent de l'époque pré-islamique de Jahiliya. C'est dur à concevoir qu'un esclave devienne notre chef et on lui doit obéissance. Il lui dit, même si c'est ça, vous faites face à un homme qui est esclave, vous lui devez écoute et obéissance. Ça, c'est Wulliya. Il a été nommé, il a été placé. Dans une autre version, Wa inta ammara. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Il n'avait pas à le faire de cette manière, mais il l'a fait. Et il a pris le pouvoir. Puis, ça y est, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, maintenant qu'il est arrivé, et il a le pouvoir, et il tient le pays, et il tient la région. Ça y est, vous le laissez. Vous le laissez. Les coups d'État sont interdits en islam. Mais si quelqu'un, les ulama disent, en est arrivé à le faire, puis il a la force et la puissance, on se soumet à ça, à son autorité. Bien que le moyen qu'il est venu, et dans le hadith, wa in ta'ammara, on comprend par là qu'il est venu par la force. Il s'est imposé et il a réussi à prendre le pouvoir. Bien qu'à la base, ce n'est pas une façon louable et bonne à faire. Donc, voilà, il est là, il a le pouvoir, vous lui devez écoute et obéissance. Regardez les compagnons, radiallahu anhum. Il n'y a rien qui passe avant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous lisez les biographies, les récits. Vous voyez bien que des fois, il y a eu des compagnons qui ont été gouvernés par des tabi'ines. Les gouvernants, ce n'étaient pas des compagnons. Et les gouvernés, c'était des compagnons. C'est qui les meilleurs? C'est les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Qui a rencontré le prophète? Qui a appris du prophète? Ce sont les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Mais ils ont été nommés, ils ont pris le pouvoir, ils ont le pouvoir. Ils ne discutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas une histoire. Moi, je pense, toi, tu penses. Non. Là, c'est « qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, ils se sont soumis, bien qu'ils sont meilleurs que ceux qui les gouvernent. Mais là n'est pas la question. Ils ont reçu un enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Même s'il advient que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef, vous lui devez écoute et obéissance. Car celui qui vivra parmi vous, c'est-à-dire parmi vous, il y en a qui vont vivre après moi. Je viendrai à quitter ce monde, le prophète alayhi salatu wassalam dit, et parmi vous, il y en a qui vivront. Ils vont voir des choses. Le prophète ne sera plus là. Alayhi salatu wassalam. Et il leur enseigne. Il enseigne à sa communauté. Je ne serai pas là. Parce que après moi, qu'est-ce qu'il aura? Une maladie qui va arriver, qui est la divergence. Les différends entre les musulmans. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Beaucoup de différends. Ça, c'est la maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se réunit, puis on accepte chacun l'opinion de l'autre? Non, le prophète n'a pas dit ça. Même si les frères musulmans, ils l'ont dit. Mais c'est leur règle, elle ne vient pas de l'islam. Je ne sais pas d'où ils l'ont ramené. Ça, c'est leur problème à eux. En islam, ça n'existe pas. Là où Allah nous a laissé libre choix, on peut discuter. Là où Allah a institué, a légiféré, son prophète sallam a dit, on n'a plus à ramener notre propre opinion. On n'a pas d'opinion là où Allah a décidé. Allah, il nous ordonne de faire 5 prières. Il ne nous a pas demandé de discuter sur ça. Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas faire? Non. Un vrai soumis, un vrai musulman, il se soumet aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils décident d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. C'est clair, la vérité, toute la vérité, est dans la révélation. Autre que la révélation, ce n'est que l'égarement. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement? Tayyib. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Ça, c'est la maladie. Et il vient le remède. Alors, cramponnez-vous. Attachez-vous fermement à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. Qu'on ne vous l'arrache pas. Qu'on ne vienne pas vous l'enlever. Mordez-la à pleines dents pour bien la tenir. Car on essaiera de vous faire dévier. On essaiera de vous faire changer de chemin. Mais restez ferme. Vous êtes sûr de vous, sur une conviction, une certitude, qu'elle est là la vérité. Je ne dois pas fléchir. Je ne dois pas dévier. Je reste dedans même si c'est difficile. Et plus le combat est difficile, et bien il l'heure, et plus la récompense sera lourde. Donc il faut tenir. Et ça, tout le monde plus ou moins le vit. Lorsque vous voulez vous attacher à la vérité, dans la famille, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, parmi les amis, parmi les collègues, dans le travail, dans, on a toujours des gens qui essayent de nous faire dévier, de nous faire fléchir, par maintes moyens, soit directement ou soit indirectement. Mais le musulman qui est sûr de lui et qu'il est sur une voie droite, claire, de jour comme de nuit, ne s'en égare qu'un homme voué à la perdition, il reste ferme dessus. Il reste ferme sur ce chemin-là. Et voilà l'importance de connaître la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la guidée des compagnons radiallahu ta'ala anhum. Regardez cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit comme étant l'un des meilleurs hommes de son époque, un cavalier qui sort de Médine. C'est pas encore, c'est au moment de l'antéchrist. Un des meilleurs hommes, il sort de la ville de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il vient face à l'antéchrist. Et il lui dit, toi tu es l'antéchrist, dont le messager d'Allah nous a informé. L'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète, on en a besoin. Quelle est l'arme de cet homme? Quelle est l'arme? C'est un hadith qu'il a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De génération en génération, jusqu'à son époque à lui, il a appris ce hadith. Et ce hadith l'a mis en garde contre cette grande tentation. Une des plus grandes épreuves que peut toucher les musulmans, c'est la sortie de l'antéchrist. Et il lui dit, tu es l'antéchrist dont le prophète nous a mis en garde. Les gardes de l'antéchrist vont l'attraper. Certains vont vouloir le tuer. D'autres vont dire, non, notre maître, c'est-à-dire l'antéchrist, nous a interdit de tuer quelqu'un, il faut lui ramener. Ils vont lui ramener. Et il va le couper en deux. Je résume. Pour lui faire voir, écoute, je te coupe en deux, je demande que tu reviennes comme tu étais, et tu reviens comme tu étais. Tu vas croire en moi? Et il le coupe en deux. Et devant le public, l'antéchrist, il passe au milieu pour bien montrer que le corps, il est bien séparé. Puis il lui dit, redeviens comme tu étais, et il redevient cet homme. Il lui dit, alors maintenant tu crois en moi? Il lui a dit, non, j'ai encore plus de certitude que tu es bien l'antéchrist, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien précisé qu'il y aura un homme qui va subir ça, et c'était moi cet homme-là. Subhanallah. Ça, c'est une certitude. Et il va vouloir l'atteindre, mais là, à ce moment-là, il ne pourra pas le tuer. Tayyib. Donc l'importance de connaître la législation et de connaître la révélation. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, beaucoup de différences. Alors cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi, mordez-la à pleines dents. Et attention à toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Toute innovation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Comment se fait-il que des gens viennent contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. On dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Rasulullah, elle a un sens. Il y a une pratique qui en découle de cette attestation. Et à la fin, on a des gens qui disent non, non, on n'accepte pas cette phrase. Ils ne le diront pas de cette manière, mais le résultat, il est là. C'est comme s'ils disaient non, on n'est pas d'accord avec cette phrase. Les innovations, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Subhanallah. Et le prophète a dit, toute innovation. Et la vérité, elle est dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Toute innovation est un égarement. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud et d'autres. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. Et dans ce hadith, le prophète sallam nous dit, les meilleurs des hommes, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis celle qui vient juste après, puis celle qui vient après celle-ci. Ce sont les trois générations vantées par le prophète عليه الصلاة والسلام. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a bien décrit la faction rescapée, celle qui sera rescapée du feu de l'enfer, lorsqu'il a parlé de la division de la communauté en 73 tendances. Après avoir parlé qu'il y a eu dans le passé chez les juifs qui se sont divisés en 71, chez les chrétiens qui se sont divisés en 72, et dans cette communauté musulmane qui vont, ça, donc pour lui, il nous parle dans un futur et on le vit, se diviser en 73. 72 vont dans le feu et une seule sera rescapée. Une seule sera sauvée. C'est ce qu'on appelle le groupe sauvé et la faction rescapée. Et lorsque les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, posent la question au prophète sallam, qui est-ce au messager d'Allah? Qui est ce groupe qui sera sauvé? Qui est ce groupe qui sera rescapé? Il dit, alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Alors, des fois, on a des gens, ils n'aiment pas écouter ces hadiths. Des gens qui, en prêchant, en parlant, peuvent ramener des hadiths maudou'a, hadiths inventés. Ce n'est pas trop leur problème de vérifier l'authenticité des hadiths. Mais ils ont le culot de venir dire que ce hadith, il est faible. De fouiner, de chercher ce qui a pu être dit dans les détails des chaînes de narration de ce hadith et de ne pas tenir en compte les ulama de l'hadith qui l'ont authentifié et qui l'ont rendu bon. Pourquoi ? Et ils en arrivent même à dire quoi ? C'est ce hadith qui a divisé la communauté. Wal'iyadu billah. Si ce n'était ce hadith, la communauté n'aurait pas été divisée. A'udhu billah. Quel mensonge de leur part. Ce sont les innovateurs qui ramènent la division. C'est l'innovation qui ramène la division. Les ulama disent Ahlus sunnati wal jama'a. Donc la sunna est toujours liée au groupe. Elle est toujours liée au consensus. Et ils disent Ahlul bid'ati wal furqa. Les gens de l'innovation et de la division, du schisme. L'innovation, c'est elle qui amène la division et non pas la sunna. La sunna, elle regroupe, elle te ramène au premier groupe dans lequel était le prophète et ses compagnons, voilà, le groupe mère même. L'islam authentique comme il était à ses premières heures. Voilà. La bid'a, non, elle ne t'emmène pas à ce moment-là. Elle t'emmène à d'autres époques dans lesquelles il y a eu des inventions. Il y a eu des rajouts dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de ce qui n'en fait pas partie. D'autres, on les entend aussi, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent, ouais, mais pourquoi vous vous considérez comme étant le groupe sauvé? Et pourquoi t'en fais pas partie? T'as qu'à suivre convenablement le prophète et les compagnons, et puis l'histoire, elle est réglée, subhanallah. Pourquoi polémiquer? Subhanallah. Suis le prophète convenablement. Et son compagnon, pas moi, pas lui, pas lui. On te dit de suivre le prophète et les compagnons. Subhanallah. Suis-les convenablement, et voilà, tu es sauvé. Donc pourquoi? En quoi ça va te soulager de te mentir? Dire, bon, c'est vrai, allez, vas-y, même vous, même votre groupe, il est... C'est pas nous qui décidons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a envoyé un prophète qui nous a enseigné. Et le prophète a dit, voilà ce qui va arriver dans la communauté. Et si vous voulez être sauvé, vous voulez être rescapé, voilà la solution. Restez attaché à la vérité. Restez attaché à l'islam authentique, comme l'ont appliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية. Donc toute personne qui est sur le même chemin que lui, celui-là fera partie du groupe sauvé. ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من اهل الوعيد. Et toute personne qui va à leur encontre, l'encontre du prophète et de ses compagnons, et qui s'éloigne d'eux, celui-là, il fait partie des gens qui sont sous la menace. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال, et d'après le grand compagnon, le sixième à être entré dans l'islam, parmi les premiers, Abdullah ibn Mas'ud, ce grand savant parmi les compagnons, radiyallahu anhu, qui dit, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah l'agré. Il dit, suivez et n'innovez pas. Il vous est demandé de suivre. Il ne vous est pas demandé d'inventer. ni de ramener. Non, de suivre seulement. Suivez le chemin, tranquillement, convenablement. Ne ramenez rien d'autre. Voilà ce qui vous est demandé. Suivez et n'innovez pas, il vous a été suffi. Il y a suffisance dans la révélation. Il y a suffisance dans les enseignements du prophète, alayhi salatu wa salam. Wa qal, inna naqtadi, wa la nabtadi, wa nattabi' wa la nabtadi' wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Radiyallahu ta'ala an. Donc toujours, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, nous, on est sur les traces. Et ce n'est pas nous qui sommes à la base du commencement. On suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a rien ramené de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas nous. Le début ne vient pas de nous, il vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous suivons et nous n'innovons pas. On ne fait pas d'innovation. Et on ne s'égarera jamais tant qu'on s'attache au récit, tant qu'on s'attache au texte. Tant qu'on est sur les traces authentiques, on ne s'égarera jamais. Car dans les textes, dans la révélation, il n'y a que la lumière, il n'y a que la guidée et il n'y a que la guérison. Wa qala Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Ce grand compagnon, ce grand lecteur du Coran, qui est une référence parmi les compagnons dans la lecture du Coran, qui fut cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons dont on se doit de prendre le Coran, car ils ont le Coran, ils le récitent comme il a été révélé, comme l'a été enseigné par le prophète alayhi wa sallam, et parmi eux, il y a Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Il dit, vous devez d'être sur le chemin et d'être dans la sunna. Car il n'y a pas un serviteur qui est bien dans le chemin et dans la sunna et dans le bien et qui se rappelle du tout miséricordieux. Puis ses deux yeux viennent à pleurer, à verser des larmes par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne, jamais le feu de l'enfer ne le touchera. Quelqu'un qui est dans la droiture, dans le droit chemin, et en se rappelant d'Allah, ses yeux ont pleuré, cet homme, le feu ne le touchera pas. Et une économie faite dans la sunna et dans le bien est bien meilleure que des efforts faits dans la divergence, dans le fait d'aller à l'encontre du chemin et de la sunna. Naam, de s'arrêter, de se suffire de la sunna est bien meilleur que d'aller faire des efforts dans l'innovation. Donc l'histoire n'est pas de trop faire ou de plus faire comme certains croient. Non, tu fais selon ce que la religion te demande. Et ce n'est pas une question de quantité, mais plutôt de qualité. Et l'œuvre ne pourra être acceptée que si elle a ses conditions de validité. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation ne fait que t'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala et ton œuvre n'est pas acceptée. Wa qala Abu al-Aliya rahimahullah, alaykum bil amr al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yaftariqu. L'imam Abu al-Aliya rahimahullah, il dit, vous devez de revenir à l'ancien commandement, aux anciens ordres, c'est-à-dire vous devez de revenir à l'islam appliqué dans les premiers temps, avant que la communauté ne se divise. Il y a la division de la communauté, on revient à l'époque où il n'y avait pas la division, à l'époque où elle n'existait pas la division. Avant l'apparition de la division, c'est cet islam-là qu'il faut appliquer. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله le grand imam de Sham, de la Palestine, la Syrie, du Proche-Orient, رحمه الله تعالى, il dit اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Il dit patiente, fais patienter ton âme, fais patienter ton corps, ta personne sur la sunna, patiente sur la sunna et arrête-toi là où ils se sont arrêtés et parle selon ce qu'ils ont parlé et tu te tais là où ils se sont tus et prends le chemin de tes pieux prédécesseurs car il te suffit pour toi ce qui a suffi pour eux. Ce qui est une suffisance pour eux est une suffisance pour toi. Et il y en a le pire, c'est qu'ils le reconnaissent en disant que les pieux prédécesseurs, c'est vrai qu'eux, ils étaient tranquilles, ils n'ont pas discuté sur plein de choses. Mais non, ceux qui sont venus après, quand même, ils ont développé. Ah oui, mais le problème, développer ce qui n'est pas à développer, c'est un problème. Et on voit ce que, où ça a amené, dans quel égarement et dans quel éloignement de la droiture. Et ils ont pensé que trop parler était un bien. Parler dans le bien, oui. Mais lorsqu'on parle de trop et on tombe et on commet des erreurs, de l'innovation, de l'égarement, là c'est très grave. Et c'est pour cela qu'ils en sont arrivés à dire que la voie des salafs, c'est la plus saine. On s'arrête là où ils se sont arrêtés. Mais quand même, la voie des khalafs a la plus de sagesse et a la plus de connaissances. Wal'iyadu billah. Alors que toutes ces éloges, elles sont propres à la voie des salafs. Et la voie des khalafs, elle n'a rien de tout ça. Elle n'est ni plus sage, ni plus connaissante, et ni plus saine. Elle n'a rien. Tous ces éloges, elles ne sont que pour la voix des pieux prédécesseurs. Il y a eu raison l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a dit sa phrase célèbre, ce qui n'était pas une religion à leur époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que par ce quoi ont réussi les premiers de cette communauté. وقال أيضا يعني الإمام الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. Et donc l'imam al-Awza'i رحمه الله dit aussi, tu te dois d'être sur les traces, de suivre les récits de tes prédécesseurs, de ceux qui t'ont précédé. Même si les gens te rejettent, même si les gens refusent, là n'est pas la question. Les gens en sont satisfaits, ils n'en sont pas satisfaits. Ils acceptent, ils n'acceptent pas. Ça, c'est, ça les regarde eux. Mais toi, tu te dois de suivre le droit chemin. Maintenant, il est bien que tout le monde suive le droit chemin. Maintenant, si les gens ne veulent pas, ils en subiront les conséquences. Mais toi, tu suis le droit chemin. Même si les gens te rejettent, même si les gens te refusent. Pas comme a dit, comment il s'appelle, Hassan et Hussein, Allah al-Musta'an. Il raconte, on lui pose une question sur les tabliers. Il dit, ils sont bien, ils sont gentils, nanana. Bon, hop, on passe ça. Et il dit, mais ils ont un problème. Moi, je me suis dit, quand j'écoute l'audio, il va dire qu'ils ont des problèmes, ils parlent sans connaissance, ils font des choses. Non, rien de tout ça. D'abord, il est dans l'innovation. Donc, il ne peut pas les reprocher de l'innovation. Ils vont dire, tu es bien placé, toi, pour parler. Subhanallah. Avant de nous le reprocher, va arrêter les innovations toi-même. Subhanallah. Bon, donc, non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant, j'étais avec eux. Et comme eux, j'avais le 33 tours. Comme ça qu'il parle du turban. Allah al-Musta'an. Et j'avais l'ajlaba, j'étais comme eux. Mais mes copains fuyaient. Dès que je sortais dans le quartier, personne ne restait. Je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi. Et j'ai tout enlevé. Et j'ai remis mon jean et mes baskets. Et là, mes copains sont revenus à moi. A'oudhu billah. Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin ? Alhamdoulilah, que de par sa propre bouche, il nous a prouvé que c'est le faux. De même, une fois, ils ont fait un sketch au Bourget, il y a longtemps. Et ils ont mis quelqu'un, un jeune, et toutes les portes sont fermées. Il toque, c'est fermé, personne n'ouvre les portes. C'est-à-dire, il est rejeté par la société. Mais il était en kamis. Bon, en parenthèse, à manche courte, mais c'était un kamis. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? Il en a marre, il lance un cri, et il enlève son kamis, et il le jette, et à ce moment-là, toutes les portes, elles s'ouvrent. A'oudhu billah. A'oudhu billah d'en arriver à là. Allahu al-musta'an. Alhamdulillah, le jeune là, qui a fait le sketch là, avec les autres là, au Bourget. Alhamdulillah, on a reçu un mail comme quoi, mashallah, il a écrit un texte comme quoi il revenait et il se repentait de ça parce que maintenant il a compris que c'était une erreur. Alhamdulillah, c'est un grand bien qu'Allah, inshallah, il le ramène clairement dans le droit chemin. Ainsi que tout le monde, c'est ce qu'on veut pour tout le monde. Wallahi, on ne parle pas pour ni que ce soit une plaisanterie, ni pour se moquer. Wallahi, les cœurs sont attristés de voir quelqu'un dans l'égarement, de voir quelqu'un qui est en train de tomber dans un ravin. On voudrait bien le bien pour eux. Maintenant, s'ils ne reviennent pas, ils en assument les conséquences. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Donc il dit, l'imam al-Awza'i rahimahullah, il dit, tu te dois de suivre, d'être sur les traces des prédécesseurs. Même si les gens te rejettent. Et attention et aux opinions des hommes. Même si ils embellissent, ils les embellissent pour toi. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, le faux ne t'est jamais présenté comme étant le faux complètement. Mais il est toujours habillé. On lui met des vêtements bien, on le maquille comme il le faut pour qu'il soit bien présentable. Donc la personne qui voit, au premier abord, il ne comprend pas. Et puis il peut croire que c'est bien, ah, c'est une belle apparence, mais c'est le mal qui est dedans. Et vous avez les gens qui ont la connaissance, la science, eux ils le voient. Lui il ne comprend pas. Il dit, mais c'est bien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pour vous donner une image, subhanallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde les juifs de faire cela, en leur disant, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et n'habillez pas le faux par le vrai, tout en cachant la vérité, alors que vous le savez. C'est des mauvaises manières. Parce qu'Ibn al-Qayyim, il dit, si le mal était présenté comme il est aux gens, les gens, ils vont le voir, ils ne vont pas l'accepter. Mais il faut qu'ils l'embellissent, ils l'habillent, c'est un camouflage pour que ce mal, il soit accepté par les gens. Wallahu al-musta'an. Wa qala l'imam Ahmed, ya'ni Ibn Hanbal, rahimahullah, usul al-sunnati indana, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Donc l'imam Ahmed رحمه الله il dit, les fondements de la sunna, les fondements du chemin à suivre pour nous, c'est de s'attacher ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et de les prendre comme exemple et de délaisser les innovations. وَمَا زَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ يَدْعُونَ إِلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَسُلُوكِ طَرِيقِهِمْ وَاتِّبَاعِ أَثَرِهِمْ. Et de toute époque, de génération en génération, et sans arrêt, il y a eu les savants qui ont appelé, qui ont invité au suivi du chemin des pieux prédécesseurs et de les prendre comme exemple et d'être sur leur chemin et de suivre leurs traces. Donc là, on a terminé le chapitre numéro 4. Le chapitre numéro 5, on l'a vu dans le cours précédent. Puis, le cours numéro 6, chapitre numéro 6, il dit... Le Cheikh Hafizahullah, manhaj ahli al-bid'ah wa al-ahwa. La voie, le chemin des adeptes de l'innovation et de la passion. Taqaddama dhikru manhaj as-salaf al-aqida wa ahammu mumayyizatihi. Donc nous avons vu précédemment la voix des pieux prédécesseurs dans l'aqida, dans le dogme. Et là, en l'occurrence, c'était le cours de la semaine dernière. Et nous avons vu ses caractéristiques les plus, ou ses particularités les plus importantes. وَأَنَّ أَهَمَّ مَا يُمَيِّزُ الْمَنْهَجَ السَّلَفِي فِي الْعَقِيدَةِ هُوَ حَصْرُ التَّلَقِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Et nous avons vu que la particularité qu'on distingue, ou la plus importante dans la voie salafie, dans le dogme, sur la question du dogme, c'est qu'il restreint la recherche ou le puisement pour apprendre, pour étudier le dogme, de le prendre seulement dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que ceci soit paramétré par la compréhension des pieux prédécesseurs. Le kitab wa sunna, oui, mais avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça ne suffit pas de dire c'est bon, j'ai un verset, c'est bon, j'ai un hadith. Non, le verset et le hadith doivent être compris comme au moment de la révélation, comme à l'époque des premiers musulmans, comme eux ils l'ont compris, voilà la véritable compréhension du verset et du hadith. Amma, mais que tu me ramènes le verset et le hadith et tu m'en donnes un sens qui n'est pas son véritable sens, tu me le définis d'une définition qui n'est pas sa définition, tu n'es pas retourné au Coran et à la Sunna, c'est faux. Ça c'est qu'une apparence. Tu sors le verset, tu sors le hadith, mais le sens. Et ce qui est préservé dans la religion, c'est le texte et le sens des textes. Pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran, a transmis la sunna sans l'expliquer aux compagnons? Pensez-vous que les compagnons ont donné les versets coraniques et les hadiths aux tabi'in sans leur expliquer la signification des versets et des hadiths? Qui pourrait penser comme ça, subhanallah? Un calife, lorsqu'on lui a ramené un grand khariji, ça y est, il a été attrapé. On l'a ramené à sa cour. Et il lui a dit, oh un tel, qu'est-ce qui te pousse à te soulever contre nous? Et il lui a dit, c'est un verset coranique. Il lui a dit, c'est lequel? Il lui a dit, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Et quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et il lui a dit, mais comment tu le sais que c'est un verset? Qui t'a dit que c'est un verset? Il lui a dit, bah si, les compagnons, radiallahu anhum, l'ont enseigné, et ils ont transmis, et ça fait partie du Coran. Il lui a dit, bah donc, si tu étais satisfait de leur transmission du verset, sois satisfait de leur transmission du sens du verset. Comment ça, t'acceptes la transmission du verset, mais t'acceptes pas la transmission du sens du verset? Subhanallah. Et les compagnons ont expliqué que, exactement ce que veut dire, est-ce qu'on doit comprendre réellement de ce verset coranique. Et de même pour tout le Coran. Donc ça ne suffit pas de dire, c'est bon on a un verset, c'est bon on a un hadith. Oui, mais le verset et le hadith ont-ils la bonne explication, la bonne compréhension, comme l'avaient les compagnons et les tabi'in, radiyallahu anhum, wa rahimahumullah. وعلى العكس من ذلك منهج أهل السنة أهل منهج أهل الأهواء والبدع. Et contrairement à ce qu'on vient de voir pour les gens les suiveurs de Salaf, les gens de la Sunna, les gens de la passion et de l'innovation ont une règle autre que celle-là. Cela, ils restreignent le puisement dans le Coran et la Sunna avec la compréhension des prédécesseurs. Eux, non. Leur source, elle est autre part. فَإِنَّ مَصْدَرَ التَّلَقِّي عِنْدَهُمْ لَيْسَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ. À la base, la source dans laquelle ils puisent ce n'est pas le Coran et la Sunna. Wa inna ma huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa shuyukhuhum. Mais leur source dans laquelle ils puisent, c'est l'innovation qui a été amenée par leurs imams et par leurs shuyukh. Thumma ta'wilu al-kitab aw as-sunnah ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Puis d'aller faire une altération lorsqu'ils disent qu'ils interprètent, mais faussement, le livre et la sunna pour ramener les textes en conformité avec leur passion. Subhanallah. Au lieu de se soumettre au texte et de se rabaisser devant la révélation, ils prennent la révélation et ils essaient de l'adapter à leur opinion. Wallahu al-musta'an. Le sunna, il y a un texte qui nous dit « Crois en ça, voilà la croyance et on a cette croyance. » Ahlul Ahwa, les gens de la passion, eux, ils ont leur maître à penser. Ils ont une conviction. Puis, ils cherchent dans les textes ce qui va réconforter leur idée. Wal'iyadu billah. Le cheminement n'est pas le même. Le procédé n'est pas le même. Wa'atimaduhum ala al'aql. Et du fait aussi qu'ils s'en remettent à la raison. وَعَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْوَاهِيَةِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعُهُمْ لِلْمُتَشَابِهِ. Et aussi, ils s'en remettent, ils puisent dans des hadiths qui sont faibles, dans des hadiths qui n'ont aucune valeur, qui sont des mensonges proférés à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et leur suivi des textes qui prêtent à équivoque. Wa tahrifuhum lil adilla wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Et leur altération qu'ils font aux arguments et aux textes et l'interprétation fausse qu'ils leur en donnent. Yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah dit: "Wa bil jumla fa iftiraq ahli al-kitab وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. Et d'un point de vue général, globalement, la division, le schisme qui a eu lieu chez les gens du livre, les chrétiens et les juifs, de même que la division qui a lieu dans cette communauté en 73 tendances, il est dû, il a été amené à cause de la mauvaise interprétation. Ils ont tous quelque chose, un texte sur lequel ils vont s'attacher, mais ne s'attachent pas sur le texte comme il le faut. Soit le texte n'est pas authentique, donc ils s'attachent sur rien au final, ou soit le texte est authentique, mais la compréhension qu'ils en ont n'est pas la bonne compréhension. Wa yaqulu ibn Abi al-'Izz al-Hanafi rahimahullah, ce grand imam du 8e, 9e siècle de l'Égypte, qui a le commentaire de Tahawiyya, il dit: وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجِ وَاَعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةِ. Dites-moi, on l'a fait ça ou pas? On l'a lu? Il n'y en a aucun pour me le dire. C'est pas grave. Alhamdulillah, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est un plus. وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجِ وَاعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةِ وَرَفَضَتِ الرَّوَافِضِ وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةِ على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. Est-ce que, il dit Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi rahimahullah, est-ce que les Khawarij sont sortis et les Mu'tazila se sont retirés et les chiites ont refusé? Là, il fait allusion à chaque fois de l'origine de leur nom. Al-Khawarij sont sortis parce qu'on les appelait, ils sont sortis contre le gouverneur, contre Ali radiallahu anhu. Al-Mu'tazila, parce que leur maître à penser s'est retiré de l'assemblée de science de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Et les chiites qui ont refusé l'imama et le califat d'Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma. Est-ce que tout cela se sont éloignés de la droiture, se sont éloignés de la vérité? Et que la communauté s'est divisée en 73 tendances, si ce n'est dû à la mauvaise interprétation. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. Donc, ce cheminement entrepris par les adeptes de l'innovation et de la passion qui va à l'encontre du cheminement d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a dans tous les sens du terme, que ce soit d'un point de vue de la raison ou de l'argumentation, est une des plus grandes causes de la division dans la communauté musulmane. Donc, cette partie numéro 6, en vérité, on l'avait déjà faite. C'est pas grave, c'est une répétition. Et Inch'Allah, dans la répétition, c'est un rappel. Et le rappel, il est bénéfique pour les croyants. Et donc, le prochain cours, ça sera le chapitre numéro 7. Pour dimanche prochain, après l'Asr, Inch'Allah. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.